بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On continue donc l'explication de ce livre très profitable, Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit Babun مجاء في الإقسام على الله. Le chapitre des textes citant le fait de jurer concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il faut savoir que le fait de jurer concernant Allah tabaraka wa ta'ala, cela va avoir plusieurs formes. Première forme, il y a donc celui qui va jurer en concernant Allah Azza wa Jal. Ici on parle du fait de jurer concernant Allah, c'est-à-dire la personne elle jure Wallahi Allah va faire ça, Wallahi Allah ne va pas faire ça. Et donc la personne a juré concernant Allah qu'elle va faire ou ne pas faire telle chose. Si la personne jure en citant quelque chose que Allah tabaraka wa ta'ala a déjà cité dans le Coran ou alors à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, alors là il n'y a pas de mal. Comme la personne qui dit par Allah on sera tous ressuscités, par Allah, Allah va nous ressusciter, et donc là il n'y a pas de mal. Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans son livre, za'ama alladhina kafaru an la yub'athu, ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscité. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qul bala wa rabbi. Dis non par mon Seigneur. Latub'athunna, vous serez ressuscité. Thumma latunabba'unna bima amiltum, puis vous serez informé de ce que vous avez accompli. Wa dhalika 'ala Allahi yasir. Et cela est facile à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc si une personne jure concernant Allah que Allah va faire telle chose ou ne va pas faire telle chose, mais la personne se base sur un texte du Coran ou de la Sunna qui montre que Allah effectivement va faire ou ne va pas faire telle chose, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il y a un autre cas, c'est la personne qui jure concernant Allah tabaraka wa ta'ala qu'il va ou ne pas faire telle chose. Mais que cela n'est pas écrit dans le Coran ni dans la Sunna. Mais la personne, elle va jurer par une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors certains savants nous disent que cela est permis. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait donc la sœur de Anas ar-Rubayya qui devait donc subir une sentence. Elle devait donc subir une sentence. Et justement, les responsables, la famille de la personne qui avait subi un tort par Rubayya, eux, ils voulaient que la sentence s'applique sur elle. Ils voulaient que la sentence s'applique sur elle. Car elle avait cassé la dent de quelqu'un, et donc la sentence qui lui soit aussi cassée une dent. Ils voulaient cela. Et Anas, il ne voulait pas cela concernant sa sœur. Mais il ne voulait pas s'opposer au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il était convaincu qu'Allah azza wa jal allait faire que sa sœur n'allait pas donc être touchée par cette sentence. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « sal qisas ». C'est le qisas, on leur a proposé as-sulh, on leur a proposé donc la réconciliation et qu'ils acceptent donc qu'ils pardonnent et qu'elle n'est pas la sentence qui s'applique sur elle. Mais non, mais la famille, eux, ils veulent la sentence. C'est leur droit. C'est leur droit. Et donc là, Anas, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dit, Wallahi, la tuksaru thaniyat ar-Rubayya, par Allah, donc cette dent de Rubayya ne sera pas cassée. Il a juré alors que le prophète il lui a dit. Et subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait que ensuite la famille donc de celle qui avait subi l'injustice, eh bien sa famille, ils ont décidé de revenir sur leurs paroles et de pardonner et de ne pas appliquer la sentence sur elle. C'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi li'abarrahu. Il y a certes parmi les serviteurs d'Allah ceux dont si ceux-ci, lorsque ceux-ci, donc lorsque ces serviteurs-là d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils vont jurer concernant Allah azza wa jal qu'il va faire ou ne pas faire telle chose, alors Allah azza wa jal applique ce qu'ils ont juré, ce pourquoi ils ont juré. Ça montre le haut degré de ces gens-là et le fait qu'ils sont proches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici Anas il a juré parce qu'il avait une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant celui qui va jurer en ayant une mauvaise opinion d'Allah, et c'est ça le sujet du chapitre. Il jure en ayant une mauvaise opinion d'Allah. Wallahi Allah il va pas nous aider. Wallahi, il ne va pas nous secourir. Wallahi, si. Wallahi, ça. Cela est formellement interdit. Et ça peut même être une cause que les œuvres de la personne soient rendues vaines. Et donc, on va lire les textes que l'auteur, il nous cite, rahimahullah. Il nous dit, An Jundub, Ibn Abdillah, radiallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. Et donc ici, donc d'après Jundub رضي الله عنه, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme, ici, comme on le verra, c'est un homme qui était pieux, un homme qui était dans l'adoration, il voit un autre qui est dans le péché, hein, dans une autre narration, il voit un homme qui est dans le péché, il le conseille, il taquillah, et l'autre qui le dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi dans mes péchés. Et donc, lorsque l'autre qui lui répond comme ça, il dit, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Par Allah, Allah ne te pardonnera pas. Alors là, Allah azza wa jal, il dit, qui est celui qui ose jurer me concernant que je ne vais pas pardonner à un tel? Certes, je lui ai pardonné ses péchés et j'ai rendu tes œuvres vaines, caduques. Rapporté par Muslim. Wa fi hadithi Abi Huraira, an al-qa'ila rajulun 'abid. Et dans le hadith de Abu Huraira, celui qui prononce cette parole, qui dit par Allah, Allah ne va pas pardonner à un tel, c'est un adorateur. قال أبو هريرة أبو هريرة كس كيل دي إل دي تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Cet homme là qui était un adorateur, il a prononcé une parole qui a mené à sa perte, concernant sa vie d'ici-bas et de dunya, concernant sa vie d'ici-bas et l'au-delà. Et donc ça nous montre, barakallahu fikoum, le grand danger qu'il y a dans le fait de jurer concernant Allah tabaraka wa ta'ala qu'il ne va pas faire ou qu'il va faire, et que la personne elle fasse ça par mauvaise opinion d'Allah azza wa jal. Ceci est contraire au tawhid. Comme on a vu précédemment, lors des cours précédents, il est obligatoire aux croyants d'avoir une bonne opinion d'Allah. Et que ceci, le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une des caractéristiques des hypocrites. C'est une des caractéristiques des hypocrites, comme on l'a vu lors des cours précédents. L'auteur qui dit, rahimahullah, Babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Chapitre, on ne prend pas Allah comme intercesseur auprès de ses autres créatures. Donc il faut bien comprendre. On ne prend pas Allah comme intercesseur auprès de ses créatures. Il faut bien comprendre. Ici, barakallahu fikoum, on a déjà vu précédemment concernant le sujet de l'intercession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en faveur des croyants. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera intercesseur. Maintenant, il est interdit de prendre Allah comme intercesseur auprès de ses créatures. Comme le fait de dire, ô Foulaine, ô un tel, je prends Allah comme intercesseur pour que tu me fasses telle et telle chose, pour que tu me rendes tel et tel service. Ça, c'est formellement interdit, barakallahu fikoum. Ici, l'auteur, il nous cite sa preuve. Donc, il nous dit, عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود. Et donc ici dans ce hadith, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô messager d'Allah, certes les gens se sont affaiblis et les enfants ont faim et aussi nos biens sont perdus. Alors donc invoque, donc fais la demande de pluie pour nous. Invoque la pluie pour invoque ton Seigneur pour qu'il fasse tomber la pluie. Et certes, nous prenons Allah comme intercesseur auprès de toi pour cela. Et nous te prenons toi aussi comme intercesseur auprès d'Allah. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Subhanallah, Subhanallah. Et il n'a cessé de dire cela. Il n'a cessé de prononcer cette parole at-tasbih jusqu'à ce que cela donc se voit aussi donc sur le visage de ses compagnons. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam Wayhak, malheur à toi. Est-ce que tu sais qui est Allah? Certes, Allah est bien plus grand que cela. Certes, Allah est bien plus grand que cela, tabaraka wa ta'ala. On ne prend pas Allah comme intercesseur pour qui que ce soit parmi ses créatures. Le hadith, l'auteur qui nous dit, donc il a été rapporté par Abu Daoud. Donc ce hadith, barakallahu fikoum, il est faible. Le hadith, il est faible. Cependant, le sens qu'on vient de voir dans le hadith, et cette interdiction, elle est correcte. Car ceci est un manque de respect envers Allah, tabaraka wa ta'ala. L'intercesseur a toujours un rang moins élevé que pour celui pour qui on que celui chez qui on intercède. L'intercesseur a un rang moins élevé que celui chez qui on intercède. Excusez-moi. Exemple. On a donc des frères qui vont vouloir un cimetière musulman. Ils vont vouloir un cimetière musulman. Et donc, ils vont demander à une personne qui travaille à la mairie d'intercéder pour eux auprès du maire. Cette personne qui travaille à la mairie va être l'intercesseur. Et cette personne va intercéder auprès du maire qui est au-dessus d'elle. Et donc, on ne peut pas prendre Allah tabaraka wa ta'ala comme intercesseur pour qui que ce soit parmi ses créatures. Cela est formellement contraire au tawhid. Le dernier chapitre qu'on voit aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, babu maja'a fi himayati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam janab al-tawhid wa saddihi turuq al-shirki. Et donc le chapitre concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc protégé le tawhid, il est protégé le tawhid de toutes parts et qu'il ait fermé les portes au polythéisme. Ça, c'est un point très important. Le fait que le prédicateur, il fasse attention au tawhid, et il fasse attention au fait que les gens s'éloignent du shirk. C'est pas seulement le fait que les gens ne tombent pas dans le shirk. C'est pas que ça, non. Ils s'en éloignent. Ça veut dire que dès que tu vois que quelqu'un commence à se rapprocher, ou alors il y a moyen que, peut-être qu'une mauvaise compréhension, il faut directement montrer cela. Ceci est la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit l'auteur, rahimahullah, an Abdillah, ibn Shakhir, رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا. Et donc d'après Abdullah ibn Shakhir radiyallahu anhu qui dit, donc je suis parti avec donc le convoi, donc dans le convoi de Benu Amir, voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui a dit, tu es notre maître, Sayyid. Tu es notre maître. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, As-Sayyid, Allahu tabaraka wa ta'ala. Le maître, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, ici, le compagnon qui nous cite cela, il continue en disant, Kulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan. Et donc, tu es le meilleur d'entre nous, et tu es celui, donc, qui possède le plus parmi nous, tu es celui qui est le plus grandiose. Alors là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kulu bi kawlikum, au bi ba'di kawlikum. ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد. Et donc là il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez dire ce que vous dites, ou certaines choses de ce que vous dites, vous pouvez le dire, c'est-à-dire ici il montre que ce n'est pas interdit. Ensuite il dit, mais ne laissez pas Shaitan vous faire pencher, c'est-à-dire vous faire pencher vers ce qui est interdit. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur montre que le maître absolu, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Une personne peut être le leader de telle contrée, le leader de tel groupe, etc., etc. Mais avoir cette caractéristique, le fait d'être le maître absolu, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il leur a montré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cet incident, par cet événement, le fait de protéger le tawhid. Et de faire attention. Oui, ce que vous dites est permis, mais faites attention à ce que Shaitan, par la suite, ne joue pas avec vous et que plus tard, vous ne tombiez dans un acte illicite. Et donc, il est important que chacun d'entre nous, on fasse attention à cela. Une personne peut faire un acte permis, mais on va lui dire, oui, ça, ce que tu fais, c'est permis, mais attention, il ne faut pas aller plus loin que ça. Il ne faut pas aller plus loin que cela. L'auteur qui continue, rahimahullah, wa an anasin radiyallahu anhu, anna nasan qalu ya rasulallah, ya khayrana wabna khayrina wa sayyidana wabna sayyidina, faqala ya ayyuhan nas qulu biqawlikum wala tastahwa wala yastahwiyannakum ash-shaytan, ana muhammadun عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. Et donc d'après Anas رضي الله عنه qui dit, donc qu'il y a des gens qui ont dit, ô messager d'Allah, le meilleur d'entre nous et le fils des meilleurs d'entre nous, donc notre maître et le fils de nos maîtres. Et alors là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh gens, dites ce que vous dites, mais ne laissez pas le shaitan vous faire pencher. Ne laissez pas le shaitan vous faire dévier. Je suis Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager. Et je n'aime pas qu'on m'élève à un degré qui est au-dessus du degré qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a accordé. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il montre l'importance du tawhid. Je suis Muhammad, ana Muhammad, le serviteur d'Allah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le serviteur d'Allah. Et donc il montre qu'il est le serviteur d'Allah, pas plus que cela. Il ne mérite pas l'adoration. S'il est le serviteur d'Allah, il ne mérite pas l'adoration. Dans plusieurs versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que le prophète Muhammad est son serviteur. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Donc tabaraka, la bénédiction parfaite est à celui qui a fait descendre El Furqan, le discernement, sur son serviteur. Et donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah. Il ne mérite pas l'adoration. Et donc je suis le serviteur d'Allah. Il dit, je suis le serviteur d'Allah et son messager. Et donc par contre, il est son messager. Il a été envoyé pour transmettre le message de son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Et donc nous devons le suivre. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons le suivre. Mais par contre, nous n'avons pas le droit de l'élever à un rang qu'il ne mérite pas. Et c'est pour cela qu'avant sa mort, il dit sallallahu alayhi wa sallam, La tutruni kama atrati an-nasara Isa ibn Maryam. Et donc n'exagérez pas me concernant de la même manière que les chrétiens ont exagéré concernant Isa, fils de Maryam. Certes, je suis le serviteur d'Allah et son messager. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre un point important à nous tous, mais aussi beaucoup aux prédicateurs, aux imams, aux prêcheurs, hein, à ceux que les gens parfois, il peut arriver que certains vont les élever au-dessus du degré et du rang qu'ils méritent. Ici, je ne parle pas que le degré de l'adoration. Je ne dis pas qu'à chaque fois que les gens vont exagérer concernant un cheikh, concernant un imam, concernant un prêcheur, eh bien, ils vont dire qu'ils méritent l'adoration. Non, pas du tout. Parfois, ils vont exagérer le concernant en prétextant que celui-ci, il a forcément la science infuse, qu'il connaît tout, et que si il a dit telle et telle fatwa, c'est que forcément il a raison, etc., etc., etc. Et donc, il est interdit d'exagérer. Et le prédicateur, son rôle aussi, de montrer aux gens qu'ils ne doivent pas exagérer le concernant. Ils ne doivent pas exagérer le concernant. L'exagération est formellement interdite dans notre religion. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a vu dans les chapitres de ce livre le fait d'exagérer concernant les pieux. Parmi les causes du polythéisme, il y a le fait d'exagérer concernant les pieux. Et donc, il est important que chacun d'entre nous, on applique cela dans notre vie, Inch'Allah ta'ala, qu'on mette en garde contre le polythéisme sous toutes ses formes. Et nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et le dernier chapitre, il nous reste juste un dernier chapitre pour finir le livre. Inch'Allah ta'ala, on le verra donc samedi prochain. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa ardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.